Son père, lui, c'était pas un laborantin. Il a toujours préféré la compagnie des armes à celle des chimistes. Mais c'était une autre vie, une autre époque. Le monde change, les hommes aussi. La seule chose qui traverse le temps sans perdre de son éclat, c'est l'or. Et le petit vous dira, tous ces petits cailloux, c'est de l'or. Pourquoi ces vertus avancées qu'ils pourraient passer à côté en ne le regardant que du coin de l'œil? Ne soyez pas naïfs. Ici, tout ça, c'est son terrain de chasse. Et personne n'est à l'abri d'une balle qui s'égare. Savez-vous comment fonctionne une battue? C'est très simple. Ça se pratique en groupe. Des traqueurs accompagnés de chiens rabattent l'animal vers des tueurs postés plus bas. C'est vieux comme le monde. Le périmètre entre ces deux groupes est clairement une zone de danger. Que l'on soit le traqueur, le tireur ou le chien. Alors, il ne tient qu'à vous de ne pas y être le randonneur ou le gibier. Car au fond, une balle dans un trou n'est jamais vraiment perdue. Non, c'est pas le diable, ce petit. Il est simplement né dans un incendie qu'ont allumé ses prédécesseurs et il en est sorti sur un tricycle en feu. Vous croyez pas que ça laisse des traces? Je vous l'ai dit, éloignez-vous-en. Sa zone de confort, c'est votre zone de danger.